pense à toi, je pense à moi, je pense à nous. Je t'aime encore plus que mon frère. Il veille sur toi quand on sort le soir boire un verre. Et des fois on se prend la tête. Mais demain si je m'étends, je sais que tu me relèveras. Igo, je m'en bats les couilles. Je vais défoncer mes nuits, puis je sors ma bulle. Elle me prend pour un fou. Mais je lui réponds, tu sais que je suis seul dans ma bulle, moi. Igo, je m'en bats les couilles. Je suis dans ma bulle, non. À minuit, puis je récupère bulle, moi. Pardon, porte sur les douilles. Et je colle pas sur moi-même. J'ai que dans les parages, j'ai ma bulle. Igo, je m'en bats les couilles. Je suis dans ma bulle, non. À minuit, puis je récupère bulle, moi. Pardon, porte sur les douilles. Et je colle pas sur moi-même. J'ai que dans les parages, j'ai ma bulle, moi. Et bébé, je m'enroule dans la tête. Petite voix me répète, tu l'es. Je vais laisser Bima le faire. Mais combien de temps ça va durer? Et combien de temps ça va durer? Elle m'a répété d'arrêter. Aujourd'hui elle est comme moi. Millions de vues passent à la télé. Mais je continue toujours à l'aimer. C'est ma tontille ou ma bulle, moi. Je sais qu'elle sera là si je suis condamné. Igo, je m'en bats les couilles. Je vais défoncer minuit, puis je sors ma bulle, moi. Elle me prend pour un fou. Mais je lui réponds, tu sais que je suis seul dans ma bulle, moi. Et que je m'en bats les couilles, je suis dans ma bulle.